Hier soir, j'ai été au restaurant. J'ai mangé un Big Mac, c'était trop bon. Après, j'ai été chez moi. J'ai fait dodo et je me suis réveillée. Réveillée. C'était trop bien car je me suis réveillée, mais je voulais encore redormir. Je voulais pratiquer la pignou. Du coup, et bah, je voulais me réveiller, sauf que non, parce que je voulais encore dormir. Donc du coup, je me suis pas réveillée. Donc du coup, Du coup, j'ai rappé aux autres pignous. Voilà, monsieur, c'est bon. C'était bien. Il est trop fort. Et hier soir, j'ai pratiqué la pignou. Merci de l'air. Merci de l'air. Oh, c'est doux. ASMR. Hier soir, j'ai pratiqué la pignou. Oh, c'est doux. C'est merde, ta mère. Wesh, les gens, bien ou bien? Ça va, ça gâche? Moi, j'ai envie de péter, là. Ouais, c'est bon, moi, je fais l'interview, moi. Là, c'est interview. Ah, c'est merde. Vous avez pris quelques monsieur avec, hein?